Le lendemain matin, 5 janvier, les voyageurs mettaient le pied sur le vaste territoire de Murray. L'ensemble de ce terrain porte un nom significatif sur les cartes anglaises. Réserve pour les Noirs. Tout homme blanc, colons, immigrants, squatteurs, bushman, peut franchir les limites de ces réserves. Le Noir seul n'en doit jamais sortir. Le système britannique poussait à l'anéantissement des peuples conquises, à leur effacement des régions où vivaient leurs ancêtres. Au premier temps de la colonie, les déportés, les colons eux-mêmes, considéraient les Noirs comme des animaux sauvages. Le meurtre de ces misérables ne constitue pas un crime. Aussi, la population aborigène, décimée par les mauvais traitements à l'ivrognerie, tentait la disparaître du continent devant une civilisation homicide. Cependant, les voyageurs arrivèrent inopinément à un campement d'indigènes. Ces êtres, dégradés par la misère, étaient repoussants. Il y en avait là une trentaine, hommes, femmes et enfants. Jamais créatures humaines n'avaient présenté à ce point le type d'animalité. Mais ce furent les femmes surtout qui excitèrent la pitié des voyageuses. Rien n'est comparable à la condition de l'Australienne. Les indigènes, affamés, jetaient sur le chariot un regard effrayant et montraient des dents aiguës qui s'étaient fait exercer sur des lambeaux de chair humaine. Glenarvan donna ordre de distribuer quelques aliments. Mary Grant, songeant que son père était prisonnier d'indigènes aussi grossiers, sentit les larmes lui venir aux yeux. « Ayrton, dit John Mangles, est-ce des mains de pareils sauvages que vous êtes échappé ?»« Oui, capitaine, tous ces peuples de l'intérieur se ressemblent. » »« Mais, demanda John Mangles, que peut faire un Européen au milieu de ces naturels ?»« Ce que je faisais moi-même, répondit Ayrton, il chasse, il pêche avec eux, il prend part à leur combat. Comme je vous l'ai déjà dit, il est traité en raison des services qu'il rend. Et, pour peu que ce soit un homme intelligent et brave, il prend dans la tribu une situation considérable. » « Mais il est prisonnier, » dit Mary Grant, « et surveillé, » ajouta Ayrton, « de façon à ne pouvoir faire un pas, ni jour ni nuit. »« Cependant, vous êtes parvenu à vous échapper. »« Oui, monsieur McNab, mais si c'était à refaire, je préférerais, je crois, un éternel esclavage aux tortures que j'ai éprouvées en traversant les déserts de l'intérieur. »« Oui, certes, » répondit John Mangles, « nous devons désirer, Miss Mary, que votre père soit retenu dans une tribu indigène. Nous trouverons cette trace plus aisément que s'il errait dans les forêts du continent. » « Vous espérez toujours ?» demanda la jeune fille. « J'espère toujours, Miss Mary, vous voir heureuse un jour avec l'aide de Dieu. » Les yeux humides de Mary Grant purent seuls remercier le jeune capitaine.